إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، اصطفى الله لهذه الأمة خير الرسل، واختار سبحانه وتعالى لصحبة نبيه خير رجال في أمته، لا كان ولا يكون مثلهم. غفر الله ذنوبهم ورفع مكانتهم ورضي عنهم بإيمانهم وإخلاصهم وصحبتهم وسبق نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ومما يزيد في الإيمان معرفة سير من اتصف بالصحبة وبادر إلى التصديق وآزر النبي صلى الله عليه وسلم ونصره. قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، ومحبتهم من أصول الدين. وأفضل أولئك الجيل الفذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أرسخهم إيمانا وأكثرهم ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر الفاروق رضي الله عنه يليه في الفضل والخلافة، كان حصنا حصينا للإسلام في قوة سيرته وكمال عدله، وما لقيه الشيطان قط وما لقيه الشيطان قط سالكا فجا إلا وسلك فجا غير فجه. وثالثهم كريم اليد عظيم النفس أبو عبد الله عثمان بن عفان ابن أبي العاص ذو النورين أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين وصاحب الهجرتين وأحد العشرة المبشرين بالجنة ورفيق النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس من نبي إلا ومعه من أصحابه رفيق من أمته معه في الجنة، وإن عثمان بن عفان هذا رفيقي معي في الجنة. رواه الإمام أحمد في مسنده. Chers musulmans et musulmanes, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi les meilleures personnes et les plus pures pour porter le message qu'il veut transmettre, subhanahu wa ta'ala. Il a ainsi choisi ses prophètes et envoyés. Et il a également choisi pour accompagner, pour être aux côtés de ses prophètes et envoyés, les meilleurs des hommes. Il a donc choisi les meilleurs des hommes pour accompagner et être aux côtés de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y aura pas de personne meilleure qu'elle, et ceci jusqu'à la fin des temps. Allah subhanahu wa ta'ala leur a pardonné leurs péchés. Allah azza wa jalla est satisfait d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala a élevé leur degré. Tout ceci de par leur foi, de par leur sincérité, de par leur compagnie au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également par la victoire et le secours qu'ils ont apporté, ainsi que le soutien qu'ils ont apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla dit selon le sens, les tout premiers parmi les muhajirines et les ansar, ainsi que ceux qui les ont suivis, dans un beau comportement, Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils y resteront éternellement. Et ce qui fait augmenter la foi, chers musulmans et musulmanes, c'est de connaître la vie et la biographie de ces compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'ont pas hésité à côtoyer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à le soutenir durant les nombreuses épreuves à partir de desquelles ou lesquelles a dû traverser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ahmed rahimahullah dit, il fait partie de la sunnah de citer les mérites des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous sans exception, d'invoquer en faveur d'eux est un rapprochement, et de les suivre et de les prendre comme exemple est un moyen, chers musulmans et musulmanes, qui permet d'accéder au paradis. Ainsi, ce sont eux qu'il faut prendre comme exemple, ce sont eux que l'on doit imiter. Et ceci est un appel aux jeunes également, de prendre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple, en aucun cas de ne prendre comme exemple à suivre des acteurs ou des chanteurs ou des joueurs de foot ou autres sports. Notre histoire, chers musulmans et musulmanes, est bien trop dense, elle est trop belle, elle est tellement complète. Il y a tellement de morale à en tirer que nous n'avons besoin d'aucune autre histoire. Il y a dans les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam des exemples. Nous n'avons besoin d'aucun autre exemple. Et les meilleurs de cette époque glorieuse qui est l'époque dans laquelle a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs de ses compagnons sont Abu Bakr, celui qui avait la foi la plus ancrée, celui qui avait la science la plus infuse, celui qui a le plus côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Omar radiyallahu anhu, Al-Farouq, celui qui discerne entre le vrai du faux, celui qui discerne entre le halal et le haram, celui qui discerne entre le tawhid et le polythéisme. C'était une protection pour l'islam et les musulmans. Et son califat était un exemple dans la justice. Et lorsque le diable le rencontre dans un chemin, il ne peut qu'emprunter un autre chemin. Lorsque le diable rencontre Omar al-Khattab radiyallahu anhu dans un chemin, il n'a d'autre issue que d'emprunter un chemin autre que celui de Omar radiyallahu anhu. Et le troisième des califes, celui qui a la main généreuse, celui qui a une immense personnalité, Abu Abdullah, Uthman ibn Affan, ibn Abi al-As, radiyallahu anhu, celui qui s'est marié, et c'est le seul qui a pu se marier avec deux filles d'un même prophète. Il s'est marié avec deux filles, des filles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le troisième des califes, c'est celui qui a immigré à deux reprises vers l'Abyssinie. C'est l'un des dix à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis. Et c'est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sera aux côtés de notre prophète alayhi salatu wa sallam au paradis. Il dit alayhi salatu wa sallam dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son musnad, il n'y a pas un prophète sans qu'il n'y ait parmi sa communauté des compagnons qui seront avec lui au paradis. Et Uthman ibn Affan, celui-ci est mon compagnon qui sera à mes côtés au paradis. Uthman ibn Affan yajtami'u ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi jaddihi al-thalith wa huwa hafidu 'ammati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Baydha bint 'Abd al-Muttalib. لم يتزوج رجل من الأولين والآخرين ابنتي نبي غيره. أسلم رضي الله عنه قديما على يد أبي بكر الصديق فكان رابع أربعة في الإسلام، وبايع عنه صلى الله عليه وسلم بيده في بيعة رضوان، وقال هذه يدي وهذه يد عثمان. وهو رضي الله عنه أطول الخلفاء الراشدين خلافة، مكث أميرا للمؤمنين 12 عاما، كثير العبادة خاشع لله. لما نزل قول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، قال عمر رضي الله عنه: هو عثمان. وهو رضي الله عنه مطيع للنبي صلى الله عليه وسلم، مقتف أثره، وفي له ولصاحبيه أبي بكر وعمر. قال عمر رضي الله عنه: قال عثمان رضي الله عنه: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله. رواه البخاري. وقال عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. وهو رضي الله عنه وجل من ربه، يتذكر آخرته، كثير الزيارة للمقابر، إذا وقف على القبر يبكي حتى تبل لحيته، ثابت بيقينه، قدوة لغيره. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به عند حلول الفتن، ووصفه بالأمين. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا. فقال له قائل من الناس: فمن لنا يا رسول الله؟ أي فإلى من نرجع والفتن قد جاءت؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالأمين وأصحابه. وهو يشير إلى عثمان بذلك رضي الله عنه. وهو رضي الله عنه سليم الصدر، لا يحمل حسدا أو حقدا على أحد. قال علي رضي الله عنه: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل. وهو رضي الله عنه عفيف حافظ لدينه، قال عثمان رضي الله عنه: والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. ووهبه الله علما، فكان الصحابة يرجعون إليه. قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يرون أعلمهم بالمناسك عثمان. ومنحه الله إيمانا راسخا وعقلا راجحا، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يفاوض قريشا في الحديبية. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. رواه البخاري. عثمان رضي الله عنه a le même arrière-grand-père que le prophète صلى الله عليه وسلم. Et c'est le petit-fils de la tante paternelle du prophète صلى الله عليه وسلم, appelé البيضاء بنت عبد المطلب. Et comme je l'ai dit, aucun homme ne s'est marié avec deux filles d'un prophète autre que Uthman radiyallahu anh. Il s'est converti à l'islam dans les débuts grâce à Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anh. Il a prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prêté allégeance à sa place lorsqu'il l'a envoyé pour négocier avec les polythéistes de la Mecque lors du pacte de Ridwan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris sa main et a dit: ceci est ma main et ceci est la main de Uthman radiyallahu anhu. C'est parmi les califes ceux qui ont le plus régné, ceux qui ont régné le plus longtemps. Il a régné radiyallahu anhu à peu près 12 ans. C'était un compagnon radiyallahu anhu qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala et qui craignait son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a révélé ses paroles dans Sourate Az-Zumar, le verset 9: est-ce que celui qui aux heures de la nuit reste en dévotion prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà espérant la récompense de son Seigneur. Omar radiallahu anhu a dit, c'est Uthman radiallahu anhu. Uthman radiallahu anhu, qui obéissait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et était sur les traces de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur les traces de ses deux compagnons, Abu Bakr et Omar. Il dit, c'est-à-dire Uthman radiallahu anhu, j'ai côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai prêté allégeance. Et par Allah, je ne lui ai jamais désobéi. Et par Allah, je ne l'ai jamais trompé. Et ceci jusqu'à ce qu'Allah azza wa jal l'ait fait mourir. Puis, il en est de même avec Abu Bakr et il en a été de même avec Omar radiallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari. Abdurrahman ibn Samura rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé tout en étant amplement satisfait de Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Ce compagnon, radiallahu anhu, se rappelait souvent l'au-delà. Il visitait souvent les tombes, et lorsqu'il se positionnait devant une tombe, il pleurait au point d'humidifier sa barbe, radiallahu anhu. Il avait une certitude qui lui permettait d'être ferme dans ses positions et qui lui permettait d'être un exemple pour les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de le suivre lorsque des troubles atteignent la communauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a désigné comme étant digne de confiance. Il dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, vous allez rencontrer et vous allez connaître après moi des troubles et des divergences. Alors un homme m'a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous conseilles-tu alors, ô envoyé d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous conseille ceux dignes de confiance ainsi que ses compagnons, en faisant signe vers Uthman radiallahu anhu. Uthman radiallahu anhu, qui n'éprouvait de jalousie envers personne et qui n'avait de rancœur envers personne. Ali radiallahu anhu dit, j'espère que moi et Uthman, allons faire partie de ceux sur qui Allah Azza wa Jalla a dit son le sens, et nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine. Ils vivront en frères sur des lits face à face, c'est-à-dire au paradis. Uthman radiallahu anhu était chaste et il protégeait, était protecteur de sa religion. Il dit radiallahu anhu, par Allah, je n'ai jamais commis la fornication, ni pendant la période qui a précédé l'islam, ni pendant l'islam. Par Allah, je n'ai jamais commis l'adultère, ni la fornication, que ce soit dans la période anti-islamique ou dans la période de l'islam. Allah Azza wa Jal lui a accordé une science infuse. Les compagnons, radiallahu anhum, revenaient vers lui. Ibn Sirin, rahimahullah, a dit, il considérait que Uthman, radiallahu anhum, était le plus savant dans les manasiques. Allah Azza wa Jal lui a accordé une foi extrêmement ancrée et une raison forte. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé afin de négocier avec les polythéistes de Quraysh lors de la bataille de l'Hudaybiyah. Et Abdullah ibn Umar radiallahu anhum a dit, s'il y avait une personne plus puissante à la Mecque et plus respecté que Uthman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait envoyé à sa place. Wa ja'alahu Umar ahda ashab ash-shura as-sitta min ba'dihi fa kana khayrahum fahtaruhu khalifatan lil-mu'minin wa lam ya'dilu bihi ahada. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, lam yajtami'u ay as-sahaba wa ahli ash-shura على بيعة أحد ما اجتمعوا على بيعة عثمان والإنفاق في مرضاة الله من علامات صدق الإيمان ومحبة المؤمنين والتوكل على الله ولعثمان رضي الله عنه اليد الطولى في البذل والعطاء نظر النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه القوم يوم جيش العسرة والمسلمون يومئذ في شدة وفاقة فقال من يجهز هؤلاء غفر الله له قال عثمان فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاما ولا عقالا واشترى رضي الله عنه واشترى بيتا لتوسعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عهده عليه الصلاة والسلام، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يوسع لنا بهذا البيت في المسجد ببيت في الجنة. رواه الإمام أحمد. واعتق من المماليك ما لا يحصى، وكان رضي الله عنه يقول: ما أتت علي جمعة إلا وأنا أعتق فيها رقبة منذ أسلمت. والحياء خلق رفيع، وعثمان رضي الله عنه كان حييا مع نفسه، يكون في بيته وحده والباب مغلق عليه، فما يخلع عنه ثوبه ليفيض الماء عليه. وليس في هذه الأمة من يدانيه في حيائه. قال عليه الصلاة والسلام: أشد أمتي حياء عثمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحيي منه. قعد عليه الصلاة والسلام ذات يوم في مكان فيه ماء قد انكشف ثوبه عن ركبتيه، فلما دخل عثمان غطاها النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. والملائكة تستحي منه. كان عليه الصلاة والسلام مضطجعا على فراشه، فلما دخل عثمان جلس وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ رواه مسلم في صحيحه. عمر رضي الله عنه a désigné Uthman رضي الله تعالى عنه faisant partie des six parmi les gens de Shura, qui font partie de l'élite des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Umar رضي الله عنه a désigné à son époque. Et après la mort de Umar رضي الله عنه, Uthman رضي الله عنه a été désigné par ces six. C'était le meilleur d'entre eux. Et personne n'a opposé d'objection à cela. L'imam Ahmed rahimahullah a dit: ils ne se sont jamais réunis et ils n'ont jamais été aussi unanimes envers une personne comme ils l'ont été envers Uthman radiyallahu anhu. De dépenser dans le sentier d'Allah, de dépenser en espérant la récompense d'Allah, fait partie des signes de la véracité, de la foi. Et cela est un signe d'amour envers les croyants et un signe de confiance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Uthman radiyallahu anhu a énormément dépensé dans le sentier d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a préparé l'armée de l'Usra, appelée l'armée de l'Usra, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu équiper une armée de plus de 30 000 hommes pour faire face aux Romains qui étaient décidés à mettre fin aux différentes conquêtes des musulmans. C'était une époque dans laquelle il faisait extrêmement chaud et c'était une époque également dans laquelle la pauvreté a touché les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors adressé à ses compagnons et leur a dit: qui parmi vous peut équiper cette armée, qu'Allah lui pardonne? Uthman radiyallahu anhu a dit: je l'ai équipé cette armée, et au point que personne n'était en besoin, ne serait-ce que d'un anneau azal qui était utilisé sur les montures, ou bien ne serait-ce qu'une corde ou une reine. Il a acheté, radiyallahu anhu, une maison à côté de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de l'agrandir. Lorsqu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: qui d'entre vous peut nous aider à élargir la mosquée en achetant cette maison, et qu'Allah lui donne une maison au paradis? Uthman radiyallahu anhu a affranchi un nombre grand d'esclaves. Il dit radiyallahu anhu: il n'y a pas un vendredi depuis que je me suis converti sans que je n'affranchisse un esclave ce jour-là. La pudeur est un des comportements les plus nobles. Et Uthman radiyallahu anhu était pudique même envers sa propre personne. Il était chez lui, la porte fermée. Il ne pouvait enlever ses vêtements pour se laver. Il ne pouvait se laver nu. Et il n'y a pas dans cette communauté une personne qui l'égale dans la pudeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Celui qui a plus de pudeur dans ma communauté est Uthman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam éprouvait de la pudeur envers Uthman. Lorsqu'il s'était assis sallallahu alayhi wa sallam à proximité d'un point d'eau, et lorsque ses genoux se sont découverts sallallahu alayhi wa sallam, et que Uthman est rentré, il les a couverts. Hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim. Et les anges ont honte de Uthman et éprouvent de la pudeur envers lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était allongé. Et lorsque Uthman est entré, il s'est assis. Puis il a dit alayhi salatu wa sallam, ne dois-je pas éprouver de la pudeur envers un homme dont les anges éprouvent de la pudeur. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وكان رضي الله عنه محبا لكلام الله قال الحسن ما مات عثمان حتى خلق مصحفه من كثرة ما يديم النظر فيه وقرأ القرآن كاملا مرارا في ركعة واحدة من العشاء إلى الفجر وكان عثمان رضي الله عنه يقول لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا ومن حسناته العظيمة جمع الناس على قراءة عظيمة وكتب المصحف على العرضة الأخيرة التي دارس فيها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فأمر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يكتب المصحف كاملا بخط يده ويفرقه في الأمصار وسمي نوع خط المصحف باسمه فقيل الرسم العثماني نسبة إلى أمره وزمانه وإمارته نفعه القرآن ونفع الناس به ولا فلاح لهذه الأمة إلا بالقرآن والعمل به قال الإمام ابن كثير رحمه الله وفي عصر عثمان بن عفان امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشرق الأرض ومغاربها وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن ومع عبادته رضي الله عنه وخشيته لله كان خليفة راشدا فتح الله على يديه كثيرا من الأقاليم والأمصار واتسعت رقعة المسلمين ونهج الصحابة رضي الله عنهم سلامة قلوبهم لبعضهم ومحبتهم لبعضهم وتوقير أحدهم الآخر وكان الصحابة رضي الله عنهم يجلون عثمان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته وكان مفضلا عندهم قال عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان وقال علي رضي الله عنه بعد وفاة أبي بكر وعمر كان عثمان خيرنا وأحسننا طهورا وقالت عائشة رضي الله عنها إنه لأوصلهم للرحم وأتقاهم للرب عثمان رضي الله عنه إمي الكوران إمي لبغض الله سبحانه وتعالى الحسن ابن علي رضي الله عنه rapporte que lorsque Uthman est décédé, le mushaf, son mushaf était usé car il l'utilisait énormément. Uthman radiallahu anhu, il est rapporté de lui qu'à plusieurs reprises, il a lu le Coran entier dans une seule rak'at depuis le Isha jusqu'au Fajr. Et il disait radiallahu anhu, si nos cœurs étaient purs, nous ne pourrions être rassasiés des paroles de notre Seigneur. Si nos cœurs étaient purs, nous ne pourrions être rassasiés des paroles de notre Seigneur. Et parmi les bienfaits de Uthman radiallahu anhu, c'est qu'il a réuni les gens autour du mushaf. Il a ordonné qu'on écrive le mushaf en se basant sur la dernière lecture qu'a enseigné Jibril alayhi salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a ordonné à Zayd ibn Thabit d'écrire le mushaf entièrement et de le diffuser. Et il a été appelé, l'écriture a été appelée l'écriture uthmanite, car c'est lui qui a ordonné d'écrire le mushaf. C'est lui, et ceci a eu lieu durant son vivant et durant son règne. Le Coran lui a été profitable, et il en a fait profiter les gens, et il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de réussite pour cette communauté sans qu'elle ne retourne au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et sans qu'elle ne le mette en pratique. L'imam Ibn Kathir rahimahullah dit, et c'est à l'époque de Uthman radiallahu anhu que les victoires musulmanes et les conquêtes musulmanes se sont multipliées, les victoires multipliées également, et ceci dans toutes les contrées de la terre. Et ceci est la bénédiction de la lecture du Coran, de son apprentissage, et également la bénédiction du fait que la communauté s'est réunie autour de ce Coran qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Uthman ibn Affan radiallahu anhu, qui était un gouverneur droit, un gouverneur juste, et Allah azza wa jalla lui a accordé de nombreuses victoires qui ont fait en sorte que la carte des pays musulmans n'a fait que s'accroître. Les compagnons radiallahu anhum éprouvaient de l'amour les uns envers les autres. Ils se respectaient les uns envers les autres. Ainsi les compagnons radiallahu anhum respectaient et donnaient de l'importance à Uthman radiallahu anhu, et ceci du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme après sa mort. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu dit: nous considérions, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant et ses compagnons présents, nous donnions de la considération à Abu Bakr, à Umar et à Uthman. Et Ali radiallahu anhu, après la mort d'Abu Bakr et de Umar, a dit: Uthman était le meilleur d'entre nous et c'était le plus pur d'entre nous. Aïcha radiallahu anha a dit: c'était celui qui nouait le mieux et le plus les liens de parenté, et c'est celui qui craint le plus son Seigneur. Walamma amma ar-raha wa rasakha al-amn wa intashara al-islam fi al-ard fi khilafatihi radiyallahu an ista'jala marad al-qulub mawtah wa istatalu hayatah faqataluhu radiyallahu an wa umruhu 82 aama wa huwa sa'im wal mushaf fi hujrihi wa huwa yatlu kitab Allah wa kana maqtaluhu أول الفتن في هذه الأمة. قال حذيفة رضي الله عنه: أول الفتن قتل عثمان وآخر الفتن الدجال. أيها المسلمون، فالواجب محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذب عنهم ولزوم طريقتهم، فقد حفظوا دين الله وشريعته وكانوا أكمل الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له وتأسيا به. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Et lorsque la sécurité s'est diffusée à l'époque de Uthman radiallahu anhu, et lorsque l'islam s'est propagé sur terre lors de son calife radiallahu anhu, certains parmi les malades du cœur ont voulu précipiter sa mort et ont porté atteinte à sa vie radiallahu anhu. Ils ont tué Uthman radiallahu anhu, âgé de 82 ans. Alors qu'il jeûnait, le mushaf était sur son giron et il lisait la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son sang ou son mushaf a été taché de son sang radiyallahu ta'ala anhu. Et la mort de Uthman est le premier trouble, la première fitna qui a touché cette communauté. Hudayfa radiyallahu anhu dit: le premier trouble est la mort de Uthman. Et la dernière des tentations est celle du Dajjal. Chers musulmans et musulmanes, il est donc de notre devoir d'aimer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'être sur leurs traces, de suivre leur chemin, car Allah subhanahu wa ta'ala à protéger sa religion et sa législation par leur intermédiaire et par leur cause. Ce sont ceux qui aimaient le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui avaient le plus d'estime envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui se conformaient le plus à ses directives. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يحبون عثمان بن عفان. اللهم اجعلنا من الذين يقتدون بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نبغض من يبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعن إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم انصرهم على عدوهم واحفظهم من كل سوء، اللهم احفظهم من كل سوء، اللهم احفظهم من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله.